s'attache. Que faut-il que l'on se détache? On s'embrasse. Pourquoi faut-il que l'on s'enlace? Oui, on s'attache. Pourquoi faut-il que l'on se détache? On s'égare. Pourquoi faut-il que l'on sépare? On voudrait que le premier amour soit le dernier. C'est pas toujours le cas. On voudrait que le dernier soit enfin le dernier. Est-ce que ça sera le cas? On voudrait. On s'attache. Pourquoi faut-il que l'on se détache? On s'embrasse. Pourquoi faut-il que l'on s'enlace? Oui, on s'attache. Pourquoi faut-il que l'on s'étache? On s'égare. Pourquoi faut-il que l'on sépare? On voudrait la passion toujours au rendez-vous. C'est pas toujours le cas. On voudrait que la flamme ne s'éteigne pas. C'est souvent comme ça. On voudrait. On s'attache. Pourquoi faut-il que l'on se détache? On s'embrasse. Pourquoi faut-il que l'on s'enlace? Oui, on s'attache. Pourquoi faut-il que l'on se détache? On s'égare. Pourquoi faut-il que l'on sépare? On s'attache. On s'embrasse. On s'attache. On s'embrasse. On s'attache.